J'ai eu un commentaire ce matin sous une vidéo. C'est ma dernière vidéo. Parce que j'avais dit que mes deux dernières vidéos, j'avais perdu un abonné. Ben, trois abonnés. Je pense que j'ai perdu trois abonnés. Mais j'en ai gagné depuis. Puis, bon, ben, coudonc, mais moi, j'ai jamais couru après les abonnés. Les gens le savent, là. J'ai jamais dit abonnez-vous, puis couru après les abonnés. Fait que je me suis dit, bon, coudonc, c'est peut-être mieux comme ça. Il y a une des personnes qui s'est désabonnée qui est venue me répondre. C'est comme ça. Fait qu'on va regarder ça. Donc, on me dit, si je me suis désabonné de votre chaîne, c'est parce que vous avez exactement la même attitude que tous les gourous. Donc, on va regarder l'argumentation, mais c'est exactement la même attitude. À chacune de vos interventions, à chacune de mes interventions, vous faites passer le message sous-jacent. Regardez comme les autres sont idiots et voyez comme je suis intelligent. Dans les faits, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai réellement pensé qu'il y avait du monde plus brillant que moi. Exemple, comme. Bon, en tout cas, je ne le nommerai pas. De toute façon, je reviens, je parle d'eux de toute façon. Puis, j'ai été amèrement déçu. Puis, c'est ça. Je me suis rendu compte que j'étais naïf. Puis, je parle de mon expérience quelque part. Puis, je me considère pas, non. C'est pour ça que j'amène des arguments pareils, j'amène des faits pareils, puis moi j'ai des questionnements, puis je partage mon expérience, j'aimerais ça qu'on me réponde, si possible, des fois des questionnements que j'ai, des choses qui fonctionnent pas par rapport justement à des gens que vous, vous qualifiez de gourou, mais moi quand vous me dites je suis exactement pareil, comme les autres sont idiots, vous voyez comme je suis intelligent, non, je me considère pas comme plus intelligent que les autres, par contre sur des affaires que... Je peux amener des faits, des arguments, des choses. Ben là, c'est d'autres choses, là. Puis que je peux argumenter, c'est ça, là. Moi, je mets à l'épreuve je veux dire, ce qu'on pourrait qualifier mon intelligence puis celle des autres, l'intelligence en général. Puisque je vois que les autres sont idiots. C'est pas nécessairement l'affaire que je dis. Moi, ce que je dis, je pense pas nécessairement qu'ils sont idiots. Ce que je dis, c'est qu'ils sont malhonnêtes. C'est ça que je dis. C'est surtout ça, moi, qui me. Autrement dit, vous exhortez ceux qui vous écoutent à prendre parti, à polariser. Oui, parce que, je veux dire, ben oui, c'est certain, il y a des affaires que je considère comme dangereuses, puis nuisibles, puis qui servent à rien, puis que ça ennuie, puis ça a servi à des choses. Oui, ben oui, j'invite les gens à prendre parti. Voyons-le. C'est comme si, en tout cas, je donnerai même pas d'exemple, là. Le béaba de tous les gourous. Il n'y a qu'à lire les commentaires sous vos vidéos. Ce sont les mêmes que chez n'importe quel gourou New Age. Ben oui, mais des suiveux, c'est des suiveux, c'est pareil partout. Puis même là, je ne suis pas en train de dire que toute personne qui va dire du bien est un suiveux, là. C'est vous qui dites ça. Puis si vous remarquez, je m'en occupe pas tant que ça. Je veux dire, je lis les commentaires, mais c'est des commentaires comme le vôtre que je vais m'occuper parce que. Justement, je vais faire ce que les autres font pas, c'est-à-dire vous, vous m'accusez d'être pas honnête, d'être pas correct. Donc, j'argumente, je vais me défendre. C'est la moindre des choses. Donc, les commentaires sous vos vidéos, blablabla, des gens qui s'extasient sont toujours d'accord avec vous. Ben oui, mais c'est le cas de n'importe quel YouTuber, c'est pas de ma faute. Les autres, ceux qui ont réellement de l'esprit critique, ont voulu partager leur propre vision des choses et ont tous été vilipendés, rabaissés méchamment par vous et même traités de fous. C'était exactement ce que vous devez penser que je fais, là. Moi, je contre-argumente, c'est ça que je fais. Si le monde, ils viennent me dire des affaires que c'est revirable comme une crêpe parce que ça n'a pas d'allure, c'est pas de ma faute. Donc, puis oui, peut-être que ma personnalité vous plaît pas parce que je suis pas comme... C'est sûr que... À vous lire, je vois des choses, ça a tellement pas d'allure tant qu'à moi, puis c'est tellement cave que c'est sûr que je deviens peut-être, ben c'est ça, je suis pas patient. Tous les gourous en font de ma part. Vous m'accusez d'être un gourou New Age. Je veux dire, est-ce que je demande des dons? Est-ce que je vends des ateliers? Est-ce que je fais de la propagande pour une religion universelle qui va remplacer, c'est quoi, là? C'est des. Moi, à mes yeux, c'est comme si vous me traitez de voleur puis de charlatan, là. Fait que c'est sûr que je vais répondre comme aux autres que vous dites que je pas faim. Ben là, vous m'arrivez avec des arguments, je vais contre-argumenter, puis on verra. Tous les gourous ont fondamentalement le même discours et exhortent leurs adeptes à avoir du discernement. Or, leur discernement ne s'acquiert pas en écoutant des gens, mais en vivant dans sa chair des expériences. Oui, mais je parle d'expérience. Puis. Je le dis aussitôt au monde après à vérifier dans l'expérience. Je dis pas au monde de s'enfermer dans ce que je dis. Vous dénoncez beaucoup de gens et d'abus, mais de mon point de vue, cela ne sert à rien sinon à créer une secte de plus qui draine des gens qui ont besoin d'être béquilles et de réconfort. Moi, je suis réconfortant. Moi, ça, je suis réconfortant. Je dis des fois, regardez, il y a un trou là, marchez. On va le baliser, c'est peut-être mieux de pas marcher dedans. Moi, je force personne. Si vous voulez, vous marchez dans les trous, c'est votre problème. Vous dénoncez, OK? Moi, je suis réconfortant. Voyons donc, là, chacun sur son chemin s'abreuve au fil des rivières qui se trouvent sur son chemin. Attends, faut que je relis ça. Chacun sur son chemin, virgule, s'abreuve au fil des rivières qui se trouvent sur son chemin. Oui, c'est parce que là, qu'est-ce que je dis? Certains, les plus insécures, ceux qui ont. Hey, quelqu'un d'insécure, s'il vient me voir, il va être encore plus insécure, là. Ceux qui ont encore besoin de temps pour digérer toutes les vibrations. Regardons, on est dedans, là. Moi, ça, je suis un gourou New Age. Digérer toutes les vibrations. Moi, avec la tête, j'ai délaissé ça, là, des affaires de même, justement, parce que je suis rendu à du discernement au niveau de mon expérience, puis c'est ça que je parle. C'est. Ok, il gère toutes les vibrations, les plus et les moins, s'agglutinent autour d'une rivière et y restent des années, quand ce n'est pas toute une vie. Et puis, il y a ceux pour qui la découverte de nouveaux paysages est un but qui surpasse le besoin de sécurité. Ceux-ci partent pour se désaltérer à de rivière en rivière, à de rivière en rivière, ou parce qu'ils ont trouvé enfin la rivière en eux-mêmes. Il est donc né. J'ai jamais dit au monde de s'abreuver à ma rivière. Je comprends pas, là. Dans le fond, là, moi, je l'ai toujours dit, je donne un son de cloche, je veux dire. Il n'est donc ni intelligent ni courtois de votre part de considérer que ceux qui partent de votre chaîne sont des personnes sans dessein ou inintelligentes ou trop spiritualisées. Un instant, j'ai dit ça. Est-ce que j'ai dit ça? Vous vous êtes senti visé, puis là, vous considérez qu'en disant ça, moi, je vous traitais de personne sans dessein ou inintelligente. C'était pas courtois de ma part. Oui, mais un instant, j'ai pas fait ça. Au niveau de vous, faudrait. Oui, des fois, je suis pas très courtois. Mais j'ai jamais eu la prétention d'être quelqu'un de courtois. Je le sais que ça peut décevoir que, ouais, c'est sous la forme, c'est un petit personnage mesquin. Je suis un petit personnage mesquin. Ben, vous voyez comme j'ai de la considération pour moi-même. C'est comme ça que je me vois pareil aussi, même si je le sais que mon intention n'est pas là. Pourquoi il faut que ce soit moi le méchant? Tandis que je le sais que je suis pas méchant. Mais il reste que, oui, je le sais que c'est un petit personnage mesquin. En apparence, pour quelqu'un comme vous. Pour quelqu'un comme vous. Donc, il est donc ni intelligent ni courtois de votre part. J'ai jamais eu la prétention d'être courtois, là, de votre chaîne. Si des personnes sans dessein, j'ai jamais dit ça dans ma dernière affaire, là, ce que je disais. Ces personnes ont peut-être tout simplement besoin d'autres paysages. Ouais, c'est austère le paysage ici. Ou besoin d'une eau moins acide pour se désaltérer. Ouais, c'est très acide. Ouais, mais c'est un liniment. J'ai jamais dit de boire ça, là. Il y a une tête puis des os. Il y a une tête de mort sur la bouteille. T'as pas vu? T'as pas vu? L'affaire, c'est des eaux moins acides. Moi, ah, c'est le monde qui a besoin de réconfort. Plus haut, tu dis c'est le monde qui a besoin de réconfort, qui viennent s'abreuver à mes eaux acides pour se désaltérer. Ça marche pas, là. De mon point de vue, un monde en voie vers l'intelligence serait un monde où il n'y aurait aucune chaîne YouTube influenceuse. Je le sais, moi tout, mais je me considère pas comme un influenceur, dans le fond. Mais bon, ça dépend que vous entendez par ça. À savoir des gens qui se prennent pour des agents de police de la pensée. Ben moi, je dis juste, je donne mon opinion par rapport à des choses, je trouve ça pas d'allure. J'ai jamais dit, je veux dire, je suis pas contre la liberté d'expression. La police de la pensée, c'est un peu vous, là, je trouve que. Ben là, vous en allez, c'est pas pareil, c'est pas comme si. Des destructeurs de formes qui en créent d'autres, en étant persuadés que leurs formes sont meilleures que les formes des autres. Ben c'est transitoire, les formes, là. Dans le fond, là. Hein, qui racontent n'importe quoi du moment où cela leur apporte de l'argent. Si tout le monde existait, cela voudrait dire qu'il n'y a plus de suiveurs et que chacun est bien dans ses baskets et s'abreuve à sa propre source d'intelligence. Pensez que je m'abreuve à quoi? Il reste que moi, j'essaie de contre-vérifier des choses quand je me questionne. Puis, au niveau des faits disponibles, j'ai pas le choix de me référer à du factuel ou au niveau de contre-argumenter, j'ai pas le choix de me servir de forme. Je sais, je rêve, oui, c'est du délire, c'est de l'utopie, puis c'est exactement ce que j'aime pas. C'est du monde qui sont le même. Ah, si, c'était comme si, si c'était comme ça. Moi, c'est pas ça ma démarche. Je ne peux donc que vous souhaiter, Berthold, de n'avoir aucun abonné. Ben là, ça servirait à... Comme si, ah, moi, je suis niaiseux ou je sers à rien. J'ai pas dit que j'en voulais pas du tout. Là, c'est pour... Sinon, justement, je découvre pas de nouveau si j'ai pas. Le public, ça aide jusqu'à un certain point à découvrir du nouveau. Bonne route, comme Jean Roche vous laisse ici, bonne route. Écoute, là, moi, tu me traites de gourou nouvel âge, je sais pas vraiment argumenter. Tu me compares à du monde, justement, qui veulent des abonnés pour avoir de l'argent, justement, pour jouer du culture. Moi, ça me dérange plus ou moins. C'est sûr, je vais me défendre si tu me traites de gourou nouvel âge. J'ai jamais demandé de don, je vends pas d'atelier, puis je n'ai jamais prôné une religion syncrétique du monde nouveau non plus. Donc, moi, c'est bonne valeur, mais l'affaire, c'est que, ouais, peut-être que j'ai été discourtois. J'ai été discourtois, puis que tu as la peau mince, puis là, les mains acides, il a traversé la petite couche mince, puis là, ça brûle, puis là. Oui. Moi, je le vois un peu de même. Parce que l'affaire, là, ben, je dis, bon, j'ai perdu quelques abonnés, puis tout. Ouais, c'est intéressant, là, de voir ton témoignage, mais il reste à ça que je m'attendais, c'est-à-dire, dans le fond. Moi, je vois rien de réellement d'argument là-dedans que c'est bien dommage, mais regarde, là, viens pas te plaindre. Moi, c'est ça l'affaire, là. Tu sais, c'est surtout que c'est comme pitoyable un peu, c'est piteux un peu, ça fait pitié comme. Puis ouais, ça se peut que tu me considères comme méchant. Mais c'est ça, c'est parce que c'est ma personnalité. Ouais, peut-être je suis dur un peu. Je suis peut-être dur un peu des fois. Bon, ben c'est correct. Bonne route.